Je fonds à chaudes larmes dans une piole trop froide. Je rends toutes mes armes à ce putain d'iPad. Seul au fond de la cave, cette nuit j'inscrirai en lettres de sang, Insta m'a tué. Le sang coule sur mes pleurs, créant un orangé de sel et de douleur, cicatrisant mes plaies. Depuis longtemps déjà, je me savais foutu, mais je ne pensais pas qu'Internet m'aurait eu. J'ai craqué, c'est fini, vous avez tous gagné. Le chant n'est plus qu'un cri, Fomblard est fatigué. Il joue moins de guitare, mais plutôt du couteau. Il vous lâche et vous laisse à vos réseaux sociaux. Loin des femmes, des sorties et de ce qui tourne droit. Loin de tout ce qui brille et loin de son éclat. Le chanteur malheureux quitte enfin sa torpeur. Car ce soir en calcif, il est mort pour Twitter. Prends tous tes moments de bad pour faire tes dernières rimes. Prends tes vieux souvenirs de quand t'avais ta team. Quand tu riais dehors, torse nu sous la pluie. Avant que tous ces porcs ne t'aient rendu aigri. Souviens-toi du mois d'août, Marion te souriait. Tu vivais dans sa bouche et sans aucun procès. Juste quelques baisers et deux trois chocorèmes. Maintenant pauvre homme, tu n'es que l'ombre de toi-même. Rien que poussière d'étoiles dans une vieille galaxie. Rien qu'un homme au teint pâle qui ce soir s'étoxie. Entre la vie de rêve ou bien rêver ta vie. Tu as choisi la trêve et t'es parti d'ici. Tu as bien fait, je crois, c'était le bon moment. La période était sombre et toi tu pissais le sang. Un ami coloriste t'avais même prévenu que du noir sur du noir, ça ne donnait rien de plus. Le noir, tu l'as connu et tu le connais encore. Jamais parti de ta tête, jamais quitté ton corps. Quand la coke et le whisky te servent à supporter le silence de tes nuits, le fracas de tes journées. De tes nuits,